Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Me disent mes fautes et mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, et s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses, rien qu'en aimant d'autres. Et s'il suffisait qu'on s'aime, et s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un plus tard de sécher. Des larmes me rongent et que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent. Les portes laissent entrer les cris, même en fermant. Dans un jardin de fleurs, sur un balcon de fleurs, ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs, quelles armes répondent au pays de nos peurs? S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, chantez si vous connaissez, si l'on pouvait changer les choses, rien qu'en démantonner, mais s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Et s'il suffisait qu'on s'aime, et s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. Tous ensemble. S'il suffisait.